Dieu incarné peut faire l'œuvre que l'homme ne peut faire, car son essence interne n'est pas comme celle de l'homme. Il peut sauver l'homme, car son identité est différente de celle de l'homme. Cette chair est très importante pour l'humanité, car il est homme et plus encore, il est Dieu, car il peut faire l'œuvre qu'aucun autre homme de chair ne peut faire. Car il peut sauver l'homme corrompu, vivant avec lui sur terre, ici sur terre, bien qu'identique à l'homme, le Dieu. Précieux, la valeur et l'importance de cette chair sont incommensurables pour tout homme. Bien que cette chair ne puisse directement détruire Satan, soumettre Satan complètement à sa domination. Je